Leçon 7. Septième leçon. L'argent. Première partie. Monsieur Le Cerf parle à ses clients. Il vous parle. Bonjour, messieurs, dames. Vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais. Je connais surtout vos mains. Comment est-ce que je les connais? Eh bien, je m'appelle Jacques Le Cerf. Je suis employé de banque. Je connais vos mains parce que je les regarde. Je les regarde parce que vous venez à la banque. Vous êtes les clients de la banque. Vos mains me donnent des chèques de voyage et les signes.